En fait, Œnone apprend à Phèdre que Thésée vient d'arriver et conseille à celle-ci d'accuser Hippolyte. Accompagné d'Hippolyte, Thésée arrive auprès de Phèdre, dont l'accueil est surprenant. Celle-ci partie, Œnone affirme alors à Thésée qu'Hippolyte a voulu à nouveau séduire Phèdre à Trézène, comme il avait commencé à le faire à Athènes. Thésée, laissant alors éclater sa rage contre Hippolyte, essaie alors de se défendre.